Ésaïe chapitre 59. Voici, la main de l'Éternel n'est pas raccourcie, pour ne pouvoir pas délivrer, et son oreille n'est pas devenue pesante, pour ne pouvoir pas ouïr. Mais ce sont vos iniquités qui ont fait séparation entre vous et votre Dieu, et vos péchés ont fait qu'il a caché sa face de vous, afin qu'il ne vous entende point. Car vos mains sont souillées de sang, et vos doigts d'iniquité, vos lèvres ont proféré le mensonge, et votre langue a prononcé la perversité. Il n'y a personne qui crie pour la justice, et il n'y a personne qui plaide pour la vérité, on se fie en des choses de néant, et on parle vanité, on conçoit le travail, et on enfante le tourment. Ils ont éclos des œufs de basilic, et ils ont tissu d'étoiles d'araignée, celui qui aura mangé de leurs œufs en mourra, et si on les écrase, il en sortira une vipère. Leurs toiles ne serviront point à faire des vêtements, et on ne se couvrira point de leurs ouvrages, car leurs ouvrages sont des ouvrages de tourment, et il y a en leurs mains des actions de violence. Leurs pieds courent au mal, et se hâtent pour répandre le sang innocent, leurs pensées sont des pensées de tourment, le dégât et la calamité est dans leur voix. Ils ne connaissent point le chemin de la paix, et il n'y a point de jugement dans leurs ornières, ils se sont pervertis dans leurs sentiers, tous ceux qui marchent ignorent la paix. C'est pourquoi le jugement s'est éloigné de nous, et la justice ne vient point jusqu'à nous, nous attendions la lumière, et voici les ténèbres, la splendeur, et nous marchons dans l'obscurité. Nous avons tâtonné après la paroi comme des aveugles, nous avons, dis-je, tâtonné comme ceux qui sont sans yeux, nous avons bronché en plein midi comme sur la brune, et nous avons été dans les lieux abondants comme y seraient des morts. Nous rugissons tous comme des ours, et nous ne cessons de gémir comme des colombes, nous attendions le jugement, et il n'y en a point, la délivrance, et elle s'est éloignée de nous. Car nos forfaits se sont multipliés devant toi, et chacun de nos péchés a témoigné contre nous, parce que nos forfaits sont avec nous, et nous connaissons nos iniquités. Qui sont de pécher et de mentir contre l'Éternel, de s'éloigner de notre Dieu, de proférer l'oppression et la révolte, de concevoir et prononcer du cœur des paroles de mensonge. C'est pourquoi le jugement s'est éloigné, et la justice s'est tenue loin, car la vérité est tombée par les rues, et la droiture n'y a pu entrer. Même la vérité a disparu, et quiconque se retire du mal, est exposé au pillage, l'Éternel l'a vu, et cela lui a déplu, parce qu'il n'y a point de droiture. Il a vu aussi qu'il n'y avait point d'homme qui soutint l'innocence, et il s'est étonné que personne ne se mettait à la brèche, c'est pourquoi son bras l'a délivré, et sa propre justice l'a soutenu. Car il s'est revêtu de la justice comme d'une cuirasse, et le casque du salut a été sur sa tête, il s'est revêtu des habits de la vengeance comme d'un vêtement, et s'est couvert de jalousie comme d'un manteau. Comme pour les rétributions, et comme quand quelqu'un veut rendre l'appareil, savoir, la fureur à ses adversaires, et la rétribution à ses ennemis, il rendra ainsi la rétribution aux îles. Et on craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident, et sa gloire depuis le soleil levant, car l'ennemi viendra comme un fleuve, mais l'Esprit de l'Éternel lèvera l'enseigne contre lui. Et le Rédempteur viendra en Sion, et vers ceux de Jacob qui se convertissent de leurs péchés, dit l'Éternel. Et, quant à moi, c'est ici mon alliance que je ferai avec eux, a dit l'Éternel, mon Esprit qui est sur toi, et mes paroles que j'ai mises en ta bouche, ne bougeront point de ta bouche, ni de la bouche de ta postérité, ni de la bouche de la postérité de ta postérité, a dit l'Éternel, dès maintenant et à jamais.